بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وها نحن وصلنا إلى الحديث السادس عشر. Donc nous continuons toujours l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et aujourd'hui nous sommes arrivés au 16e hadith. Donc comme d'habitude, nous allons d'abord lire le hadith et donner une traduction. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsini. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الحديث رواه البخاري. Donc d'après Abi Huraira رضي الله عنه, on rapporte qu'un homme a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم de lui faire une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne te mets pas en colère. » Alors l'homme réitéra sa demande plusieurs fois et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « Ne te mets pas en colère. » Et le hadith est rapporté par le Bukhari rahimahullahu ta'ala. « Fal-amru l'awwal tarjamatu rawi l'hadith. » Le premier point que nous allons voir, c'est la biographie du rapporteur du hadith, ou plutôt quelques points sur la vie du rapporteur du hadith. Wa rawi al-hadith huwa Abu Hurayrata radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, al-Dawsi min qabilati al-Daws, ihda qabail al-Yaman. Donc le rapporteur du hadith, comme vous l'avez entendu, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu, il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr, il fait partie de la tribu de Daws, qui est une des tribus du Yémen. Wa kana Abu Huraira radiyallahu anhu fil jahiliyati yusamma Abdu Shams, falamma aslama sammahu an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Abdurrahman. Wa kunyatuhu Abu Huraira, kana qawmuhu yulaqibuhu biha, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقبه بأبي هر. Donc Abu Hurayra رضي الله عنه, avant l'islam, il était appelé Abd al-Shams. Et lorsqu'il a embrassé l'islam, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a appelé Abd al-Rahman. Et sa kunya et Abu Hurayra رضي الله عنه et son peuple l'a ainsi surnommé, et le prophète صلى الله عليه وسلم le surnommé Abu Hir. ودخل الإسلام سنة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر وكان عمره حين ذاك نحو من 30 سنة فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازمه ملازمة تامة رغبة في العلم رضي الله عنه. Et Abu Hurayra رضي الله عنه a embrassé l'islam la 7e année de l'Hijra, entre l'événement de l'Hudaybiyya et l'expédition de Khaybar. Et à ce moment-là, il avait une trentaine d'années, رضي الله عنه et il a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière assidue pour ainsi rechercher la science. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة. Abu Hurayra رضي الله عنه faisait partie des gens qu'on appelait Ahl al-Suffa, qui étaient des pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient peu de moyens et qui n'avaient pas de maison. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع والحديث في صحيح البخاري. Abu Hurayra radiallahu anhu dit, je jure par Allah, je m'appuyais ventre à terre à cause de la faim et je m'attachais une pierre contre mon ventre pour lutter contre la faim, et le hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Wa Abu Hurayra lahu manaqib kathira. Et Abu Hurayra radiallahu anhu a énormément de mérites et de vertus, parmi lesquels ceux que nous allons citer. Awalan mulazamatuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, Abu Hurayra radiallahu anhu tenait assidûment la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Abu Hurayra radiallahu anhu, yaquluna inna Aba Hurayrata yukthiru al-haditha an Rasulillah wallahu al-maw'id wa yaquluna ma lil ansar wal muhajirin la yuhaddithuna mithla ahadith Abi Hurayra. Wa yaqulu Abu Hurayra wa inna ikhwani min al-muhajirin كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرئا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضروا إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا والحديث في صحيح البخاري. Donc dans l'authentique de Bukhari, il a été rapporté que Abu Hurayra رضي الله عنه a dit: les gens disent qu'Abu Hurayra radiallahu anhu connaît beaucoup de hadiths et Allah nous jugera tous pour nos paroles. Abu Hurayra continue en disant, ils disent que les Ansar et les Muhajirin ne rapportent pas autant de hadiths que Abu Hurayra. Alors Abu Hurayra explique en disant, mes frères les Muhajirin étaient occupés par le commerce. Frères les Ansar étaient occupés par la richesse et à cultiver les terres. Quant à moi, j'étais une personne très pauvre. Et je restais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en subissant la faim. Et j'étais présent quand ils étaient absents et je retenais lorsqu'ils oubliaient. Donc ce hadith montre bien que Abu Hurayra était assidu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hirsuhu ala ma'rifati al-khayr wa fi'lihi. Le souci d'Abu Hurayra radiallahu anhu à connaître le bien et le mettre en pratique. Yaqulu Abu Hurayra radiallahu anhu, qultu ya Rasul Allah, إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقوم الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والحديث في أخرجه ابن حبان. Donc Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, j'ai demandé au prophète d'Allah, ô prophète d'Allah, lorsque je te regarde, mon âme s'apaise, mes yeux se remplissent de joie, informe-moi d'une action, si je la pratique, je rentrerai au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, répands le salam, nourris les gens, maintiens le lien de parenté, prie la nuit alors que les gens dorment, et tu rentreras au paradis en toute sécurité. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban. ثالثا حرصه رضي الله عنه على الحديث وطلب العلم. Troisièmement, ce qui montre les mérites de Abu Hurayra, c'est son souci et sa motivation à connaître le hadith et à rechercher la science. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والحديث في صحيح مسلم. Dans l'authentique de Muslim, Il a été rapporté que Abu Hurayra radiallahu anhu a questionné le prophète en lui demandant au prophète d'Allah, qui sera le plus heureux à profiter de ton intercession le jour de la résurrection? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'étais sûr, ô Abu Hurayra, que personne ne me questionnerait sur cette question avant toi, vu ton désir ardent par rapport au hadith prophétique. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la personne qui sera la plus heureuse à profiter de mon intercession, c'est celui qui dit « La ilaha illallah » avec sincérité du cœur ou dans son âme. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. « Min manaqibihi hirsuhu ala al-amri bil-ma'ruf wa nahi anil munkar » Parmi les mérites de Abu Huraira, c'est son souci d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. « Qila anna Aba Huraira radiyallahu anhu marra bi qawmin wa hum yatawadda'oun » فقال لهم أبو هريرة أسبغوا الوضوء أي أكملوا الوضوء كأنه رأى فيهم تقصيرا في الوضوء فقال لهم آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار والحديث في صحيح مسلم. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim que Abu Hurayra radiallahu anhu est passé à côté de personnes qui accomplissaient l'wudu. Et Abu Hurayra radhiyallahu anhu a constaté chez eux un manquement dans la façon de faire l'eau. Alors il leur a dit, complétez l'eau, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le feu ou le malheur aux talons qui sont non lavés pendant l'eau. Wastaqbala Abu Hurayra radhiyallahu anhu imra'atan mutatayyibah, faqala ayna turidin ya amat al-jabbar, faqalat al-mar'a al-masjid, faqal walahu tatayyabti, قالت نعم فقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجناب وهذا في مسند الإمام أحمد. Aussi parmi les hadiths qui montrent qu'Abu Hurayra رضي الله عنه était soucieux d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable, c'est que Abu Hurayra radiallahu anhu a rencontré une femme qui était parfumée. Alors Abu Hurayra radiallahu anhu lui a dit, où te diriges-tu? Cette femme lui a dit, vers la mosquée. Et Abu Hurayra radiallahu anhu lui a dit, et c'est pour cette raison que tu t'es parfumée? Elle a dit, oui. Alors Abu Hurayra radiallahu anhu lui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toute femme qui sort de chez elle parfumée pour aller à la mosquée, Allah n'acceptera pas sa prière tant qu'elle ne retourne pas chez elle et qu'elle accomplit une douche comme on accomplirait une douche pour la janab. Et le hadith se trouve dans le musnad de l'imam Ahmad. فَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ رِوَايَةً وَلَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ 5370 حَدِيثٍ مِنْهَا 688 فِي الصَّحِيحَيْنِ. Et Abu Hurayra رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui nous a rapporté le plus de hadiths. Et on retrouve dans les livres de hadiths 5374 hadiths rapportés par Abu Huraira, dont 608 se retrouvent dans le recueil de Bukhari de Muslim. Wa tuwfiya sanat 58 ou 59 fil Madina wa dufina fil Baqi'. Et Abu Huraira radiyallahu anhu est mort l'année 58 ou l'année 59 à Médine et il a été enterré dans le cimetière de Baqi'. رضي الله عنه هذا فيما يتعلق بترجمة راوي الحديث. Voilà pour ce qui concernait la biographie ou des points de la vie du rapporteur du hadith qui est Abu Hurayra عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. الأمر الثاني منزلة الحديث. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'importance du hadith. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. Ce hadith est une référence, est un fondement essentiel dans le domaine des règles de politesse. وحكى الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه عن أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في زمانه أنه قال جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث الليلة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث الثالث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث الرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc ce hadith est un fondement essentiel dans le domaine des règles de politesse et il a été rapporté d'après Ibn Sallah, d'après Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahmatullahi alayhim, qui est la référence et l'imam des Malikites à son époque. Il dit l'ensemble des règles de politesse relatives au bien découle de quatre hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith que nous étudions aujourd'hui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne te mets pas en colère ». Le deuxième hadith, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin, que celui qui croit en Allah azawajal au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son invité ». Le troisième hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant « Fais partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la préoccupe pas ». Et le quatrième et le dernier hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Vous n'êtes pas véritablement croyant tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même ». Al-amru thalith ma yustafadu min al-hadith. Le troisième point, les leçons, les enseignements à retenir de ce hadith. Al-fa'idatu al-oula min hadha al-hadith. هذا الحديث يبين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وعلى ما ينفعهم لطلب هذا الصحابي الجليل الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. La première leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que ce hadith met en évidence le souci et l'acharnement des compagnons du prophète, ridwanullahi alayhim, à connaître le bien et à connaître ce qui leur est profitable, dans cette vie et dans l'autre. En effet ici, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé au prophète une recommandation. Et ceci on le tire de la parole tirée du hadith, lorsque cet homme est venu voir le prophète et lui a dit, fais-moi une recommandation au prophète d'Allah. Al-fa'idatu thaniya, في هذا الحديث مشروعية طلب الوصية من العالم أو ممن يكون أهلا لها، وهذا في قول الرجل لرسول الله أوصني، فإذا طلب أحدنا الوصية فليطلبها من العالم أو ممن هو أهل لها. Deuxième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith nous enseigne qu'il est permis de demander un conseil, une recommandation à un savant ou à une personne qui est apte à donner un conseil, une recommandation. Et ceci, on le tire de ce hadith, puisque cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas une autre personne pour lui demander conseil, en lui disant « Donne-moi une recommandation, fais-moi une recommandation au prophète d'Allah ». Al-fa'idatu thalitha. أن من طلبت منه الوصية يستحب له أن يقدم وصية واضحة نافعة لمن طلب منه الوصية، وهذا في قوله قول أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال رسول الله لا تغضب. La troisième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith nous enseigne que la personne à qui une recommandation, un conseil est demandé, alors cette personne, il lui est recommandé de donner un conseil clair, utile et profitable. Puisque cet homme, comme ça a été rapporté dans le hadith, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô prophète d'Allah, fais-moi une recommandation », le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne te mets pas en colère ». Donc si une personne nous demande conseil, donnons-lui un conseil utile et profitable. الفائدة الرابعة ينبغي مراعاة حال الموصى في الوصية وأن يخاطب بما تقتضيه حاله. Quatrième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que ce hadith nous enseigne de prendre en considération l'état de celui qui recherche une recommandation, quand la recommandation est donnée, et de s'adresser à cette personne conformément à ce qu'exige sa situation. وقال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم وحفظهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الرجل بهذه الوصية لعلمه بحال الرجل لأن الرجل كان غضوبا وهذا في قوله في قول الرجل أوصني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد الرجل مرارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل غضوب فأوصاه ألا يغضب. Certains hommes de science ont dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prodigué une recommandation bien précise, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait de cet homme et savait que cet homme était une personne coléreuse. Et on retrouve ceci dans le hadith, lorsque l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ô prophète d'Allah, fais-moi une recommandation ». Le prophète, connaissant la situation de cet homme, comme cela a été rapporté par des hommes de science, lui a dit « Ne te mets pas en colère ». Au point où à chaque fois que l'homme réitère sa demande et redemande au prophète une recommandation, le prophète, connaissant la situation de cet homme et de ce quoi cet homme a besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne te mets pas en colère ». Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire à cet homme « Osika bi taqwallah, je te recommande la crainte d'Allah ». Et la crainte d'Allah est la meilleure des recommandations. Pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas recommandé la crainte d'Allah, mais plutôt de ne pas se mettre en colère? Parce que lorsqu'on s'adresse aux gens, on s'adresse aux gens en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et ceci est un enseignement que l'on tire de ce hadith. Par exemple, si les gens ont besoin qu'on leur parle du bon comportement et de la gravité du mauvais comportement, alors on parle du bon comportement et on met en garde contre le mauvais comportement. الفائدة الخامسة من هذا الحديث جاء في هذا الحديث التحذير من الغضب ومن أسبابه ومن الآثار المترتبة عليه وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لا تغضب. La cinquième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith une mise en garde contre la colère. Il y a une mise en garde contre les causes qui provoquent la colère et il y a aussi une mise en garde des conséquences et des effets engendrés par cette colère. Et ceci, on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à cet homme « Ne te mets pas en colère ». Et à chaque fois que cet homme redemande au prophète sallallahu alayhi wa sallam une recommandation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme « Ne te mets pas en colère ». Pour mettre en garde contre la colère, contre ses causes et contre ses effets néfastes. الفائدة السادسة من هذا الحديث تكرار الوصية بالنهي عن الغضب يدل على أهمية تلك الوصية فإن الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير وهذا في قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد لا تغضب. La sixième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète plusieurs fois à cet homme de ne pas se mettre en colère. Ceci montre l'importance de cette recommandation, de ne pas se mettre en colère. Car la colère renferme tout le mal et tout le bien consiste en s'en préserver, de se préserver de la colère. Et ceci, on le tire du hadith que nous étudions aujourd'hui, car cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô prophète d'Allah, fais-moi une recommandation ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne te mets pas en colère ». Et l'homme réitère plusieurs fois sa demande et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne te mets pas en colère ». Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réitère « Ne te mets pas en colère », ceci montre l'importance de cette recommandation, c'est-à-dire de ne pas se mettre en colère. الفائدة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يحتمل أمرين. La septième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « ne te mets pas en colère », peut avoir deux sens. الأمر الأول أن مراده بقوله لا تغضب أي خذ بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والعفو وكظم الغيظ وغير ذلك من الأخلاق الجميلة فإن الإنسان إذا تخلق بهذه الأخلاق وصارت له عادة أوجبت له ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. Le premier sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ne te mets pas en colère », le sens de cette phrase veut dire « Discipline-toi et prends l'habitude et efforce-toi à te parer des bons comportements tels que la générosité, la largesse, l'indulgence, la pudeur, la modestie, la patience, s'abstenir de faire du tort, savoir pardonner, savoir dominer, maîtriser, ravaler, refouler, repousser sa colère, ou tout autre bon comportement. Car la personne qui s'embellit de nobles comportements, au point que ces nobles comportements deviennent chez cette personne des traits de caractère, et ces nobles comportements deviendront chez cette personne une habitude et une seconde nature. Et ainsi cette personne, avec ses nobles comportements, repoussera la colère dans une situation de colère. Ça, c'est le premier sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tardab, ne te mets pas en colère. Al-amru thani anna muradahu la ta'amal bimuqtada al-ghadab idha waqa'ta fih bal jahid nafsaka ala tarki tanfidihi wal'amali bima ya'muraka bihi fa'inna al-ghadaba idha malaka al-insan. Le deuxième sens de cette parole, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne te mets pas en colère », c'est-à-dire « Ne donne pas suite à ta colère et ne te laisse pas emporter par ce qu'implique cette colère, mais plutôt maîtrise-toi, contrôle-toi en t'efforçant à ne pas laisser cette colère exploser et en t'efforçant à ne pas agir conformément à cette colère. » Car si la colère domine une personne, alors cette colère dictera à cette personne sa conduite et la façon d'agir. الفائدة الثامنة من هذا الحديث أن للغضب علاجا يدفعه ويسكنه وهذا العلاج بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ويكون بأمور. La huitième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est que la colère et l'état de colère a un remède. Et ce remède repousse cette colère et l'atténue. Et ce remède et ce traitement de la colère a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de hadiths de la sunna. Et il consiste, ce remède, au point suivant. Awalan al-isti'adatu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Jaa fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Salman ibn Sard رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Premier remède à la colère, c'est le fait de rechercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, le maudit. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari de Muslim, d'après Sulayman ibn Sard, radiyallahu anhu, il dit, deux hommes se sont insultés en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions assis autour du prophète. Et l'un d'eux insulta l'autre si violemment que son visage s'empourpra de colère. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je connais des mots, s'il les disait, cela dissiperait sa colère, cela ferait disparaître sa colère. C'est le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je recherche protection auprès d'Allah contre le diable, le banni, le maudit. Thaniyan taghyir al-hay'a. Jaa fi musnad al-Imam Ahmad wa sunan Abi Dawud an Abi Dharr رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Deuxième remède contre la colère, c'est de changer de position. Il a été rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmad et dans le recueil de Abu Daoud, d'après Abi Dharr radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui se met en colère s'assoit quand il est debout, et si la colère ne se dissipe pas, alors qu'il s'allonge sur le côté. Voilà des remèdes prophétiques pour atténuer la colère ou calmer cette colère. Thalithan, as-sukut. إذا كان الإنسان غاضبا الأولى له أن يسكت وإلا يقول كلاما يترتب على هذا الكلام مفاسد عظيمة ما لا تحمد عقباه. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثة. Troisième remède contre la colère, c'est le fait de se taire et de garder silence. Car lorsqu'une personne est en état de colère, elle ne se maîtrise plus et elle peut dire des paroles et il peut regretter les conséquences de ces paroles. Il a été rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmad, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété trois fois cette phrase: qu'il se taise, qu'il se taise, qu'il se taise. رابعا أن يتذكر النصوص في كظم الغيظ فهذا يجعله لا ينفذ الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني علما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. والحديث أخرجه الطبراني. Le quatrième remède contre la colère, c'est le fait de se rappeler les mérites de la personne qui s'est refoulée, qui s'est repoussée, dominée, contrôlée sa colère. Parce qu'il a été rapporté des hadiths prophétiques qui montrent le mérite de maîtriser et de dominer et de ravaler sa colère. Parmi lesquels, ce que At-Tabarani rapporte, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: ô prophète d'Allah, apprends-moi une science qui m'approchera du paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne te mets pas en colère et le paradis est pour toi. وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير في أي الحور شاء. والحديث في سنن أبي داود والترمذي. Mu'ad ibn Anas, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui retient sa colère alors qu'il est dans une position qui lui permet de sévir, Allah subhanahu wa ta'ala l'appellera le jour de la résurrection par-dessus les têtes des créatures et lui fera choisir ce qu'il veut parmi les femmes du paradis. Donc tout ceci sont des textes, lorsqu'on les entend, ça nous pousse à maîtriser notre colère dans une situation de colère. Wa dhakara al-ulama رحمة الله عليهم الوضوء ولكن لم يصح فيه حديث. Le cinquième point, c'est que les hommes de science et la plupart des hommes de science ont cité comme remède contre la colère al-wudu, le fait de faire ses ablutions. Mais le hadith en question n'est pas un hadith authentique. الفائدة التاسعة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب جاء النهي مطلقا أي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي لا يغضب فيها حتى يشمل كل الأمور إلا الأمور التي الغضب فيها محمود مشروع محدود. Neuvième leçon que l'on peut tirer de ce hadith, c'est dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit: ne te mets pas en colère. Ici, il y a une interdiction absolue de se mettre en colère. Qu'est-ce qu'on veut dire par une interdiction absolue? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié les situations où il ne faut pas se mettre en colère, pour montrer qu'il s'agit de toutes les situations. Dans toutes les situations, il ne faut pas se mettre en colère. Sauf des situations où il est permis religieusement, voire obligatoire, de manifester sa colère. Al-fa'idatul ashira. Al-ghadabu min al-makhluq yanqasimu ila qismain. غضب محمود وغضب مذموم. فالمحمود، فالغضب المحمود ما كان لله وللحق وللدين ولم يكن يتجاوز الحدود الشرعية، والغضب المذموم ما كان في غير الله وفي غير دين الله وفي غير الحق، فهذا مذموم. Deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il existe deux sortes de colère. Il existe une colère méritoire, une colère louable, et il existe une colère à blâmer et une colère qui est condamnée. Quelle est cette colère qui est méritoire? Il s'agit d'une colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la vérité et pour la religion d'Allah azza wa jal. Bien sûr, tant que cette colère ne dépasse pas les limites religieuses. La deuxième sorte de colère, c'est une colère qui est condamnée et qui est blâmée. C'est toute autre colère, qui n'est pas pour Allah, qui n'est pas pour la religion d'Allah et qui n'est pas pour la vérité. Cette forme de colère est condamnée par notre religion. Et nous allons citer ici des hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour lui-même, mais il manifestait sa colère lorsqu'il voyait des interdictions qui étaient transgressées. تقول عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. عائشة رضي الله عنها nous dit jamais le prophète صلى الله عليه وسلم ne s'est vengé pour quoi que ce soit et jamais le prophète صلى الله عليه وسلم ne s'est mis en colère pour quoi que ce soit. Et elle dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait les interdictions d'Allah qui étaient violées, alors il se vengeait et il se mettait en colère pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le hadith est dans Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim. Wa yaqulu Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, khadimtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin, fama qala li uffin qattu, wa la qala li shay'in fa'altuhu lima fa'altah. ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا وكذا والحديث في صحيح البخاري ومسلم اي dans l'authentique de Bukhari et de Muslim il a été rapporté qu'Anas ibn Malik dit j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit ouf et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une chose que j'ai faite il m'a dit pourquoi l'as-tu faite ainsi ou pour une chose que je n'ai pas faite pourquoi n'as-tu pas fait? Le prophète sallam ne se mettait pas en colère pour lui-même. Wa qad dakhala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayta Aisha fa ra'a sitran fihi tasawir fa talawwana wajhuhu sallallahu alayhi wa sallam wa hataka hadha as-sitr. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna min ashaddi an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Wal hadith fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois est rentré dans la maison de Aïcha, dans les appartements de Aïcha, et il a vu un rideau sur lequel il y avait une image. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage a changé de couleur par colère, et il a déchiré ce rideau, cette image, et il a dit « Les personnes qui seront le plus châtiées le jour de la résurrection, ce sont ceux qui dessinent ces images. » Et il a été rapporté dans des hadiths, des compagnons, ils disent tous, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا نَرَاهُ فِي وَجِهِ. Les compagnons disaient, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait quelque chose par rapport à la religion d'Allah azza wa jal, ça se voyait sur son visage. Donc voilà des hadiths qui montrent que la colère, lorsqu'elle est pour Allah, pour la religion d'Allah, dans des limites qu'on ne doit pas dépasser, cette colère est louable. Et cette colère est demandée. Par contre, la colère qui est faite pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette colère est blâmée et cette colère est réprimée et condamnée. Al-fa'idatu al-hadiyata ashar. Anna lish-shaytani madakhilan 'ala al-insan wa minha al-ghadab. Wal-islam yu'allimuna dhabt an-nafs 'inda al-ghadab. Wa hadha fi qawlihi sallallahu 'alayhi wa sallam la taghdab. وجاء هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Onzième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, c'est Parmi les voies empruntées par le shaitan pour dominer la personne, il y a la colère. D'ailleurs, nous avons dit précédemment qu'un des remèdes contre la colère, c'est le fait de demander protection à Allah contre shaitan. Parce que shaitan nous pousse à nous mettre en colère. Et regardez, notre religion, l'islam, nous enseigne à nous maîtriser dans la colère. Et ceci, on le tire du hadith d'aujourd'hui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, ne te mets pas en colère. Et on retrouve le sens de ce hadith dans beaucoup d'autres hadiths, notamment le hadith suivant, qui se trouve dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le fort c'est celui qui se maîtrise dans la colère. Celui qui sait se maîtriser dans la colère, voilà celui qui est fort. فَمَنْ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ حَالَ الْغَضَبِ تَمَكَّنَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ قَالَ أَرْبَعَ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَحَرَّمَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ. Donc celui qui ne sait pas maîtriser sa colère, le diable l'aura dominé et il aura pris le dessus sur lui. Et il a été rapporté que Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, cet imam parmi les tabi'in, a dit, celui qui possède quatre qualités, quatre caractéristiques, Allah le protégera contre le diable et ne le fera pas entrer en enfer. C'est la maîtrise de soi en cas d'envie, en cas de crainte, en cas de désir, et en cas de colère. Parce que lorsque la personne a envie, si elle ne maîtrise pas cette envie peut la faire tomber dans le haram. Lorsque la personne craint une chose, cette crainte de cette chose, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut faire tomber cette personne dans le haram. Le désir d'une chose, si elle n'est pas maîtrisée, le désir de cette chose peut faire tomber la personne dans le haram. Et la colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut faire tomber la personne dans le haram. Elle peut même le faire sortir de l'islam, s'il dit des paroles de mécréance, s'il dit des paroles de kouf. Elle peut même créer, provoquer le divorce avec son épouse, s'il répudie son épouse. Elle peut même faire que deux personnes ne s'adressent plus la parole, à cause d'une parole dite en situation de colère. Al-fa'idatu thaniyata ashar. أن الإسلام يدعو إلى حسن الخلق وينهى عن مساوئ الأخلاق وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي تخلق بالأخلاق الحسنة كالكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والعف وغيرها من الأخلاق الجميلة الحسنة التي إذا تخلق بها الإنسان وصارت له عادة دفع بها الغضب عند حصول أسبابه وقيل لعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة فقال ترك الغضب. La deuxième leçon que l'on peut retenir de ce hadith, et c'est la dernière que nous citerons aujourd'hui, c'est que notre religion, l'islam, nous appelle au bon comportement et nous interdit les mauvais comportements et les mauvais caractères. Et ceci, on le trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ne te mets pas en colère ». En quoi cette parole est une invitation au bon comportement et une invitation à délaisser les mauvais comportements? Parce que nous avons dit qu'un des sens de cette parole « Ne te mets pas en colère », c'est « Embellis-toi de bons caractères comme la générosité ». La largesse, l'indulgence, la pudeur, la modestie, la patience, s'empêcher de faire du tort, savoir pardonner, excuser ou tout autre bon comportement. Car si la personne s'embellit de nobles caractères au point où ces nobles caractères deviennent chez cette personne une habitude, une seconde nature, alors cette personne en situation de colère grâce à ces nobles caractères sur lesquels il a pris l'habitude d'être, elles vont repousser la colère et cette personne sera maîtrisée sa colère. Et en cela, il y a une invitation au noble comportement et une invitation à délaisser les mauvais comportements. Et des gens sont venus voir Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayhi, en lui disant, résume-nous le bon comportement en un mot. Et il a dit, c'est de délaisser la colère. Voilà pour ce qui est du hadith d'aujourd'hui. Donc, nous allons le lire une dernière fois. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب والحديث رواه البخاري. Donc Abu Huraira رضي الله عنه nous rapporte qu'un homme a demandé au prophète: fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne te mets pas en colère. Et l'homme réitéra sa demande plusieurs fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond à chaque fois: ne te mets pas en colère. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Voilà pour ce qui est du hadith. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.